Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire « Je t'aime moi non plus », la folle histoire d'amour de Brigitte Bardot et Serge Gainsbourg. Pour la première fois de ma vie, j'écrivais une chanson d'amour, voilà. Et voilà ce qu'il y en est. Je faisais des chansons cyniques, et on les acceptait, j'écris une chanson d'amour, on la prend mal. Puis je chantais cette chanson avec Bardot, qui interprétait ça de façon merveilleuse. Serge Gainsbourg, en entrevue à France Inter le 25 décembre 1967. Le Gainsbourg qu'on entend, c'est un homme défait. Brigitte Bardot vient de le quitter. Il doit du même coup renoncer à la sortie de sa chanson « Je t'aime moi non plus » qu'il interprète en duo avec elle. La folle histoire d'amour de Gainsbourg et Bardot ne durera que 3 mois, mais nous laissera quelques grandes chansons, dont l'immense « Je t'aime moi non plus ». Je t'aime, moi non plus, la version originale, celle chantée par Brigitte Bardot et Serge Gainsbourg, pour nous raconter cette fougueuse histoire d'amour, la fougueuse Marie-Christine Blais, journaliste, amie de l'émission. Marie-Christine Blais, bonjour. Bonjour. Cette chanson-là, Marie-Christine, elle seule peut résumer cette folle histoire d'amour qui va durer 3 mois entre Gainsbourg et Bardot, l'état d'esprit dans lequel ils sont. Tout à fait. D'ailleurs, Gainsbourg lui-même le dit, ça va durer 86 jours de passion folle. 86 jours de passion charnelle, intellectuelle, où tout d'un coup, ces deux êtres sont comme dans une espèce de bulle. Ouais. Une parenthèse dans leur vie respective. Plus rien n'existe. Plus rien n'existe que l'un l'autre et les paparazzis. Ouais. Donc, ce qui ajoute quand même une petite couche à la chose. Mais c'est effectivement un espèce de foyer ardent, de buisson flamboyant qui tout d'un coup surgit et va durer le temps d'un buisson qui brûle. Mais qui va nous donner, puis on va y revenir dans les minutes qui viennent, heureusement pour nous, qui va nous donner de formidables chansons. Tout à fait. Je t'aime moi non plus, mais d'autres, plein d'autres. Ils en sont où, Gainsbourg et Bardot, au moment de leur aventure? Bardot a 33 ans. Elle est devenue une icône absolue, non seulement en France, non seulement en Europe, mais aux États-Unis aussi. Elle a vraiment une cote incroyable. Depuis le film « Et Dieu créa la femme » de son premier mari, Roger Vadim, en 56, elle est devenue « the femme ». Oui. Et elle va même mettre à la mode différentes choses, comme par exemple sa fameuse coiffure en choucroute, là, l'espèce de gros chignon sur la tête, les vêtements à carreaux, le Vichy, Saint-Tropez. C'est elle aussi qui met ça, le bikini. Oui. Le bikini, ceux de l'époque m'ont déjà parlé de la première fois qu'ils ont vu Bardot en bikini. Et la femme libre aussi. La femme libre. Contrairement à une Marilyn Monroe, voilà, qui est un peu comme quelque part une victime. Manipulée. Ouais. Bardot est à la fois la proie et la chasseresse. Ouais. Elle vit comme Don Juan. Elle a appris assez rapidement qu'elle était mieux de vivre avec ce qui lui tentait. D'ailleurs, Gainsbourg, un jour, va lui écrire une chanson, avant même qu'il devienne amoureux, qui s'appelle « Je donne à qui me plaît ». Oui. C'est exactement ce qu'elle fait. Donc, elle est, elle, vraiment déjà sex symbole. Bardot existe déjà au moment de cette aventure-là. Gainsbourg, certains diront de cette relation qu'au fond, Gainsbourg devient Gainsbourg à partir de ce moment-là. Il a une carrière derrière lui Bien sûr. Il est connu. Il a 39 ans. C'est pas un jeune homme. Ouais. Mais ça fait peut-être 10 ans qu'il écrit des chansons, après avoir été peintre plus ou moins à succès, après avoir été pianiste de piano-bar et de bar un peu interlope. Il est surtout connu comme auteur-compositeur. C'est lui qui a écrit la fameuse chanson « Poupée de cire, poupée de son » de France Gall. Il a écrit des grandes chansons. Il a écrit « Comment te dire adieu » pour Françoise Hardy à l'époque. Ouais. Il a déjà écrit pour Juliette Gréco. Il a écrit « La Javanaise ». Il a écrit « Le poinçonneur des lilas ». Donc, il est réputé parce qu'il écrit vraiment de très, très, très bonnes chansons, très fortes. Et donc, il est pas encore un nom. Il est un talent. Oui. Et avec cette relation, il va devenir un nom. Avec ce que, la couverture que ça aura, mais aussi les chansons qui en sortiront. Vous l'évoquiez, ils se connaissent déjà. Il a écrit des chansons pour Bardot. Ils ont tourné un film ensemble. Oui, alors en 59, il tourne « Voulez-vous danser avec moi ?» Et dans ce film, Bardot fait une jeune épousée qui doit défendre son mari injustement soupçonné d'un meurtre. Et pour vous donner une idée de la chose, notre pauvre Gainsbourg, il fait le photographe qui essaie de la faire chanter. Et en fait, on l'a choisi parce qu'il a une sale gueule. Oui. Au moment du casting, c'est vraiment pour ça qu'on le choisit, c'est parce qu'il a une tête de salaud. Évidemment, c'est pas nécessairement très, très bon pour l'ego. Et Gainsbourg a développé cette espèce de cynisme dans ses chansons à cause de ça aussi, cette façon de ne pas être considéré comme beau, donc digne d'être aimé. Il en joue beaucoup. Il est très complexé, c'est clair. Ouais. Et d'ailleurs, cette relation-là sera importante pour lui. Je pense que c'est Bardot qui le dit. Ça va lui donner confiance. Il va toucher, en tout cas littéralement, la beauté. Le fantasme en la côtoyant de tous les hommes de l'époque. Voilà. Comment ça se passe? Comment se retrouve-t-il? Comment se trouve-t-il, Marie-Christine? Il faut d'abord savoir que notre amie Brigitte, elle en est à son troisième mariage avec Günther Sachs, qui est un Allemand, un playboy volage. Le mot volage a été inventé pour lui. Et d'autre part, notre ami Gainsbourg, lui, il a déjà deux divorces et il vit dans une chambre d'étudiant. C'est pas le même domaine, tout à fait. Alors, tous les deux se sont déjà rencontrés. Bardot a chanté donc déjà du Gainsbourg. Et vient le moment où, à la fin de l'année, la télévision française prépare toujours un gros spectacle pour marquer la Saint-Sylvestre. Et depuis 2 ans, c'est Bardot qui va être la vedette. Le spectacle est en train de prendre forme, ça va vraiment mal. Le réalisateur ne réalise pas, il n'y a pas de maquilleur, il n'y a pas de... Bardot est sans connaissance, ça ne va pas bien, elle va se planter. Donc, elle est extrêmement insécure à ce moment-là, elle n'est vraiment pas sûre d'elle. Et son mari, justement, playboy avéré... La trompe à qui mieux mieux. Alors, elle est vraiment pas sûre d'elle. Il se trouve que Gainsbourg est intéressé à écrire des chansons pour elle, et enfin, à être avec elle en général. Et c'est à partir de là, parce qu'il la sécurise, parce qu'il l'aime, parce qu'il l'admire, parce qu'il la regarde comme Ève. C'est Adam rencontrant Ève. Elle va dire d'ailleurs, c'est ce qui l'a fait craquer. Complètement. La manière dont il me regarde. Aucun homme ne m'avait jamais regardé comme ça. Il l'aime. Comment, le déclic, il arrive où? Alors, ce qu'on sait, des fois les souvenirs sont un peu flous, mais on sait que un soir, ils sont dans un restaurant avec des amis. Elle est complètement désespérée. Elle lui prend la main en dessous de la table. Et il y a un déclic. Il y a vraiment une espèce de boum, boum, boum, boum, fission nucléaire qui arrive et tous les deux sont comme frappés d'un coup de foudre. Ouais. Il y a aussi un autre soir, c'est là que les souvenirs changent un peu, où il décide qu'il faudrait qu'elle chante un petit peu pour voir si les chansons, elle les embauche et tout et tout. Alors, elle lui dit, venez chez nous, j'ai un piano, d'accord. Il arrive, elle essaie de chanter, c'est Harley Davidson, alors que ni l'un ni l'autre ne connaissent la moto, n'ont jamais monté sur une moto, mais pour lui, elle évoque l'Amazone moderne en cuissarde sur une moto. Elle n'est pas capable de chanter, ça sort tout croche. Alors, il dit, avez-vous du Dom-Pérignon? Elle dit, non, désolé, je n'ai que du Moët-et-Chandon. Bon, on va faire avec. Alors, ils en boivent et, ça délie toujours un peu le stress et la langue. Tant et si bien que... Ça marche. Ça marche. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. c'est parti donc cette relation autour de cette chanson, oui. Harley Davidson, qui lui présente chez elle, oui. En buvant du champagne. Voilà, en prévision du spectacle, ouais. Donc télé qu'elle va faire. C'est vraiment à partir de là qu'ils vont devenir un couple. C'est avec Bardot qu'il va aller visiter et acheter la fameuse petite maison qu'il a sur la rue Verneuil, qui va devenir une espèce de temple à lui-même, en quelque sorte, même s'il n'y a jamais même dormi, mais c'est avec lui qu'il la visite. Et un soir, ils sont donc dans la petite chambre d'étudiant de Gainsbourg, et elle lui demande de lui écrire certaines chansons juste pour elle. Il y en a une qui va être encore aujourd'hui très célèbre, et c'est Bonnie and Clyde, inspirée bien sûr des deux fameux gangsters américains. Et à partir de là, naît aussi un mythe. Ils sont nos Bonnie and Clyde. Ouais. Et ils travaillent donc de façon très particulière. Johannes Farr, dans son film qu'il a consacré à Gainsbourg, d'ailleurs, évoque cette façon très particulière de travailler. Vous avez lu l'histoire de Jesse James. Comment il vécu, comment il est mort. Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore. Eh bien, écoutez l'histoire de... Bonnie and Clyde. attends. Ça va pas? Si, mais on va essayer l'inverse. Moi, je commence les phrases et toi, tu les finis, d'accord? Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom Bonnie Parker et James Barrow. Non, Clyde, pas du tout. Oh Bonnie Parker et Clyde Barrow. Moi, je chante pas bien. Mais si. Mais non. Les chansons des autres, j'y parviens. Mais toi, tu m'intimides. Oh. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Extrait de la chanson Bonnie and Clyde, juste avant, c'est fabuleux ce film de Johannes Farr en 2010, ce petit extrait. Hein, Gainsbourg, où... vie héroïque. Voilà. Comment ça se passe? Il y aura plein de chansons qui vont naître de cette passion amoureuse. Comment ça se passe entre eux, la création? Mais manifestement, ce qu'on sait, c'est qu'ils se parlent. Ouais. C'est qu'ils se proposent des choses, ils lui demandent qu'est-ce que t'en penses, et elle lui fait des demandes aussi, j'aimerais bien chanter sur tel ou tel sujet. Et cette fameuse nuit où il écrit Bonnie and Clyde, il en écrit une deuxième, encore plus fameuse, qui est, à la demande de Brigitte Bardot, la plus belle chanson d'amour qu'il ait jamais écrite. Et elle lui demande, en fait, écris-moi la plus belle chanson d'amour jamais écrite, que tu aies jamais écrite. Et en une nuit. Si je t'aime, moi non plus. Chanson formidable, qui connaîtra un succès énorme, mais pas tout de suite, Marie-Christine, parce que cette version... qu'enregistre Gainsbourg et Bardot, cette chanson qu'il lui écrit à elle ne sortira pas. Ne sortira pas. Elle sortira en 86 seulement. Voilà. La version originale. La avec version Bardot. Originale. Et ce qui arrive, c'est que Je t'aime moi non plus, donc, est très, très évocatrice d'une relation entre un homme et une femme, charnellement. La chanson est enregistrée, tout est fait, mais le mari de Brigitte Bardot, Günther Sachs, est furieux. D'abord, quand il entend parler de cette chanson, elle est sulfureuse. On entend sa femme faire l'amour avec un autre homme. Mais aussi, c'est ça qui est fascinant quand on fait des recherches, Sachs le prend personnel que notre amie Brigitte, donc, sorte avec un homme qui est laid. Ah bon? Il n'en revient pas. Donc, c'est pas ce qu'on entend, non. Cette passion qui le dérange. C'est vraiment... Lui, il est convaincu qu'elle sort avec un homme qui n'est pas... En tout cas, certainement pas aussi beau que Günther Lee, car c'est un très bel homme, effectivement. Il est convaincu qu'elle sort avec lui pour le ridiculiser, qu'elle s'affiche avec un homme. Incroyable. De façon de dire, je déteste tellement, ou je ne pense tellement rien de Günther que je sors avec vraiment la Lee. Ouais. Et donc, il est furieux. Il n'est pas question que ce nabo, ce quasimodo, comme il dit, soit mis en vedette ouais. grâce à sa femme. Donc la chanson est interdite. Cette version-là est interdite. Censurée, on dit elle ne paraîtra pas et Gainsbourg accepte de la retirer du disque. Ouais. Elle va sortir en fait à 10 exemplaires. Son éditeur, en oui, fait, exactement. Sa maison de disque. Il y a 10 exemplaires qui existent qui sont envoyés à quelques personnes comme ça et ça, il va y avoir une légère fuite donc ouais. cette chanson c'est comme ça que ça je vais en entendre parler un peu d'avance et qui va dire ouais. non. Et c'est aussi cette chanson qui incarne cette passion amoureuse, c'est aussi, et le fait qu'elle ne sorte pas, la fin de cette histoire. Comment oui. ça se termine? Brigitte Bardot avait l'habitude, si je puis dire, je dirais pas d'enchaîner les liaisons, mais quand quelque chose ne marchait plus ou que ça allait mal se terminer, c'est une femme qui est... en proie à énormément de demandes. Elle est constamment soumise aux caméras, au regard public. Quand ça va plus, elle change. Mmh. Et elle sait très bien que cette bulle-là ne peut pas durer. Elle a signé un contrat pour aller faire un film en Espagne, à Almeria, un film avec Sean Connery qui s'appelle Chalaco. Elle va devoir respecter son contrat. Ouais. Elle sait qu'elle part. Et donc, ils se le disent, c'est sans doute la fin. Parce ouais. que le moment magique où tout est pur, tout est possible... Ça ne peut plus durer. Ils sont Roméo et Juliette, mais le poison, c'est les médias. That is the initials. Better, initials. Initials. Initials. It's better like this. The initials. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa que des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. Initials BB, c'est une chanson, ce sera un disque important. On y revient dans un instant avec Christine Blais, tout de suite après avoir situé les auditeurs. Ce qu'on entend, c'est évidemment la chanson, mais juste avant, c'est formidable. C'est un petit montage qu'on a fait, mais d'une session de travail. C'est tiré d'un documentaire d'Yves Lefebvre, quand Gainsbourg fabrique Exactement. Cette chanson à Londres avec le chef d'orchestre Arthur Greendale en 1968. De quelle manière? Initials BB est important. Ben, déjà, le 1er janvier 68, il y a eu ce grand spectacle télévisé avec Bardot qui va devenir un succès absolu. Et parce qu'il veut chanter sa peine, parce qu'il est vraiment inspiré par elle, il fait donc ce disque, Initials BB, où il est question, clairement, bébé, c'était d'ailleurs la façon dont on désignait généralement ouais. Brigitte Bardot. Ce sera le titre qu'elle va reprendre pour son autobiographie. Voilà, exactement. Initials BB. Exactement. Et sur ce disque-là, on trouve des chansons comme Dr. Jekyll and Mr. Hyde. On trouve Key In, Key Out. Des chansons qui ont marqué vraiment, non seulement la France, mais à l'époque, personne n'intègre autant de références anglophones mm-hmm. et aussi des choses très, très, très culturelles. Par exemple, dans Initials BB, il y a carrément un extrait de la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Mm-hmm. C'est quand même fabuleux. Quand tu l'écoutes puis que tu écoutes l'extrait de Dvorak, tu c'est exactement ça. Et c'est voulu. Et c'est un peu, on y revient, mais au fond, l'autopsie de d'un grand, grand, grand amour. Voilà. D'un fabuleux feu de paille. Et c'est pour cela aussi que le disque est marquant. On entend l'amour. Je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime. Moi non plus. Après sa rupture avec Brigitte Bardot, c'est dans les bras de Jane Birkin que va se retrouver Serge Gainsbourg. Et en 69, Marie-Christine Blais, pourquoi refaire « Je t'aime moi non plus » avec Jane Birkin? D'abord, il est amoureux de Jane Birkin. Il l'a rencontrée sur un plateau de tournage. Et en fait, il va créer un autre couple mythique, celui de Gainsbourg et Birkin. Oui. Qui va durer 9 ans. Et oui, c'est ça, celui-là, il va durer, il va avoir un enfant qui va naître de ça, c'est Charlotte Gainsbourg aussi. Et donc, il va décider de reprendre cette chanson parce que elle est très bonne. C'est une très bonne chanson. Et puis... C'est un petit peu du gaspillage. Je sais pas ce qu'il se dit. Et puis, il y a aussi que Gainsbourg est devenu Gainsbourg. Ouais. Et il s'est rendu compte que la provocation, c'est payant. Ça rapporte. Et puis bon... Elle est jolie, cette Jane. Alors, pourquoi pas en faire une version avec elle qui va devenir un pur scandale. Le Vatican va appeler au boycott, ce qui fera dire à Gainsbourg que la meilleure agence de pub qu'il connaisse, c'est le Vatican. On est en 69. Là, On est en 69. Elle va réagir comment, Bardot? Il y avait un pacte, là. Encore là, les versions sont pas toutes si claires que ça. Est-ce qu'il lui aurait dit jamais je ne la ferai avec une autre femme ou j'accepte qu'elle ne sorte pas cette version? Et que bon, quand la situation a changé et puis Brigitte Bardot, entre-temps, a divorcé de son mari, etc., etc., tout ça fait que Gainsbourg considère que pour sa part, il est peut-être délié un peu de ce pacte-là. Et donc, il va décider de la prendre. Évidemment, mettons-nous un instant à la place de Jane Birkin, qui, elle, doit chanter une chanson, très belle chanson d'amour, qui n'a pas été écrite pour elle. Et il va lui dire... De toute façon, ça se sait. Ouais. La chanson, elle est connue dans les milieux fermés de l'édition. Tout le monde connaît la version de Bardot. C'est le grand public qui ne la connaît pas. Marie-Christine, dernière question. Cette relation, ce couple mythique, Bardot-Gainsbourg, on le place où? Dans le palmarès des couples mythiques. Et assez haut, parce qu'en France, il n'y en a pas tant que ça de couples mythiques qui ont marqué à ce point. L'homme un peu laid et la femme magnifiquement belle, ce symbole-là, très, très, très fort, va vraiment marquer l'imaginaire. Et je crois aussi que cette chanson, c'est leur enfant. C'est leur enfant et ils grandissent avec nous. Marie-Christine Blais, journaliste culturelle, amie de l'émission, merci beaucoup. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.